You know, if we're not dreaming, do you suppose we can get killed here? We'll be right back. much can you take? How much can you take? We'll be right back. Cherche la lune. J'ai besoin de ton amour. Viens à moi. Viens à moi. Viens à moi. Viens à moi. À moi. À moi. À moi. We'll be right back.